sera pas long. C'est par ici que ça s'en vient. Si c'est un rêve, réveille-moi donc. Ça va être notre tour, ça sera pas long. C'est par ici que ça s'en vient. Si c'est un rêve, réveille-moi donc. Ça va être notre tour, ça sera pas long. Par ici, t'vas, ça s'en vient. Si c'est rêve, réveille-moi donc. Ça va être notre tour, ça sera pas long. Par ici, t'vas, ça s'en vient.